الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. في الدرس الماضي في الأسبوع القديم السابق أخذنا الحديث الأول إنما العمل بالنيات. أيكم يستطيع أن يأتينا بالقاعدتين الأساسيتين اللتين أخذناهما من هذا الدرس؟ الدو رجل بريمونديال كنا فيه. لا الإخلاص، الإخلاص في العمل. وذكرنا شيئا آخر يتعلق بالحديث نوت فايدة قرق الحديث تنتير دوتر أنوت أنسنمون أمبورتان. عليه خلاص كما ذكرت هذا الأول. الثاني أيوة ديستانسيون العبادات بعضها عن بعض ونستانغ entre chaque adoration ce qui est واجب d'accord ce qui est مستحب ce qui est permis et les واجب entre eux واجبات entre elles. Car si jamais tu mets la niya pour un acte et cette niya ne lui revient pas, l'acte ne sera pas accepté. Non. C'est ce qui est le plus important à retenir du hadith. Taïb. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam mathala bil hijra. Est-ce que c'est seulement la hijra qui demande d'avoir une niya? La. Kullu amal. Kullu amal. Et il a mis l'exemple de la hijra en tant qu'exemple général. طيب اليوم سندخل إن شاء الله في الحديث الثاني دوزيام حديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Il a dit au Omar ibn Khattab, alors que nous étions assis un jour auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme nous est apparu d'une forte noirceur dans sa chevelure, et kazalik, une blancheur éclatante ses vêtements. La yura alayhi athar al-safar, sur lequel aucune trace de voyage n'apparaît. Wa la ya'rifuhu minna ahadun, et aucun d'entre nous ne le connaît. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Qui s'est assis face au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, qui l'a collé ses genoux aux genoux du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et qui l'a posé ses mains sur ses cuisses. يعني, il y a eu un khilaf, est-ce que c'est ses cuisses à lui ou c'est du prophète صلى الله عليه وسلم? Ce qui paraît comme étant le plus apparent, c'est فخذيه, ses propres cuisses à lui. Allahu a'lam. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Il dit oh Muhammad, informe-moi à propos de l'islam. يعني qu'est-ce que l'islam? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. وكل دين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام c'est que tu attestes qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est son messager, le messager d'Allah, que tu accomplis sa salat, tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu accomplis le hajj à la maison sacrée, si tu en as la possibilité. Il le dit, tu as dit vrai. Le questionneur confirme la réponse. Voyez. قال فعجبنا له يسأله يصدقه. Donc nous avons été surpris, car il interroge et après il l'approuve. Qala fa'akhbirni 'an al-iman, informe-moi pour de la foi. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Il lui a dit la foi c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, que tu crois au qadar, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Qala sadaq, là tu as dit vrai. قال فأخبرني عن الإحسان, informe-moi à propos de l'excellence. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Il dit c'est que tu adore Allah comme si tu le voyais. Si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Qala fa'abirni an sa'a. Informe-moi à propos de l'heure. Qala mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Il a dit que le questionné n'en est pas plus savant que le questionnaire. Qala fa'abirni an amaratiha. Donc informe-moi alors à propos de ces signes précurseurs. قال ان تلد الامه وربتها وان ترى الحفاه العراء العاله رياء الشاء يتطولون في البنيان في البنيان قال que tu vois la l'esclave femme enfanter sa maîtresse, que tu vois les va-nu-pieds dénudés pauvres et gardiens de troupeaux, yani de moutons ou autres, se concurrencer dans l'élévation d'édifices, la construction. قال ثم انطلق فلبثت مليان. Donc après, il s'en alla, c'est-à-dire le questionnaire, et je resta un instant. ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرْ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلِ. Donc après, il m'a dit, c'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Omar, « Oh Omar, c'est Dieu qui est le questionnaire. قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. Que Allah et son messager sont plus savants. قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Il a dit, c'était Jibril, Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمُ. وَكَذَلِكَ Bukhari l'a rapporté selon Abu Huraira avec des différences. Quand il est moins long que celui-ci et moins précis. Mais il revient à ce sens-là, Kazalek. Oh, avant de commencer un tanbih, j'avais oublié de dire, préciser, dans le ders dernier, quand j'avais fait l'exemple pour le roussel, celui qui se plonge dans la mer, qui sort, ça c'est selon l'avis que Al-Madmada ou le Sinchok, c'est pas wajib. D'accord. Car en réalité, la madmada, l'instinchak, c'est-à-dire le fait de rentrer dans la bouche et dans le nez, c'est une obligation. Plonger dans la mer ne suffit pas. Pour avoir un rousse qui est valable. J'ai dit ça, alors, petit exemple, comme ça, là, sans préciser. Et en réalité, celui qui viendrait à faire son rousse en plongeant dans l'eau, il n'aura pas fait la sunna. D'accord. Mais, parmi les wajibat, il y a tout ce qui est lavage du visage, tout ce qui inclut le lavage du visage. Donc le simple fait de retourner le ressortir, ça ne suffit pas, en réalité. C'est mon avis authentique. Non. Ma bitambi fakat. Tayyib, on va revenir à hadithina hada. Fahada al-hadith, hadithun azim. Wahada al-hadith, yashmal usul aqilati al-sunnati wal-jama'a. Il regroupe, on va dire de façon globale, la croyance des gens de la sunna. À la base, c'est la croyance des gens de l'islam. D'accord, c'est la croyance des gens de l'islam, mais on arrive à une époque où il y a eu tellement de divergences que les gens qui sont sur la vérité sont obligés de se distinguer des autres pour ne pas que ça se mélange. Pour bien distinguer les choses. Comme cela vient dans le hadith de Arbad ibn Sa'aliyah. Alaykoum al-sunnati. Ça va bien, inshallah. Donc ce hadith regroupe. Montre يعني كيف يكون أدب طالب العلم مع معلمه وكذلك يبين أركان الإسلام ويبين أركان الإيمان ويبين ما هو الإحسان فهذا الحديث وينبغي الاعتناء به فهو vraiment c'est un hadith qui est étudié en détail. Nous on va le prendre de façon résumée, mais ce hadith là يستحق أن يكتب في مجلدات. Quelqu'un voudrait en faire une explication détaillée, ce sera en plusieurs volumes. En chaque fakra. Non. Fa'awalen, Zakara Omar, qu'ils étaient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Justement, lorsque cet homme leur est apparu. Qala, Shadid Bayad Athiyab, ou Shadid Sawad Shar. Qui n'avait pas les sifat d'un homme qui voyage. C'est-à-dire qu'il avait comme si c'était quelqu'un qui venait d'à côté. D'accord? Et malgré cela, il disait, la yalefuhu minna ahad. Ça veut dire apparence de quelqu'un du lieu, et en même temps, aucun d'entre nous ne le connaît. Donc ils ont été surpris de le voir. C'est quelqu'un qui voyage, il n'arrive pas à habiller tout en blanc, avec les cheveux bien noirs. Il a des traces sur lui. Surtout à leur époque. Et ça met les amens in ahad. Nous, l'yom, nous safir bil hafilat, wa bil ta'ira, bil sayyarat. Mais eux, c'était pas comme ça quand ils voyageaient. C'était à pied, sur les chameaux, sur les montures. Et il y avait des traces sur eux. وهذه يكون من الأدلة على العمل بالقرائن qu'il est permis d'agir sur des indices, des points indicateurs. Car ils ont déduit cela, comment ? En le regardant. En le regardant. Donc cet homme قال جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتي ركبتي ووضع كفي على فخذي. Qui s'est assis en face du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et là, ça montre كيف يكون جلوس طالب العلم. Celui qui apprend la science auprès d'un enseignant, qu'il s'assoit devant lui, c'est-à-dire de sorte à ce qu'il puisse le voir, avec quiétude et bon comportement et respect. On y aura qu'il se concentre. Et cela en vue de l'istifada, ce qui montre la différence qu'il y a entre ceux qui étudient auprès des mashayikhs et ceux qui étudient d'une autre façon, comme par les audios ou de loin. C'est pas pareil. D'accord ? C'est pas pareil. Le résultat ne sera pas le même. Celui qui étudie au loin et des audios, quoi, il profitera. Mais ce ne sera pas comme celui qui est sur place, qui a voyagé et qui applique ce genre de comportement. Taïf, ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Donc de là, cet homme me dit, ô Mohamed, informe-moi à propos de l'islam. أولاً كان الصحابة ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بي يا رسول الله. Il ne l'appelait jamais par son prénom, même pas ses femmes. كذلك هذا الحديث يبين لنا ما هو السؤال. تمام؟ كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Que l'enseignement et l'apprentissage se fait également par le biais de questions-réponses, d'interroger de ce que l'on ignore auprès des gens aptes à répondre. D'accord, auprès des gens aptes à répondre. وكما سيظهر في حديث في اخر الحديث ما يلزم من السائل ان يكون جاهلا بالجواب قد يكون عالما لكن يريد ان يفيد غيره. Même le questionneur peut lui-même connaître la réponse, mais son but en cela c'est que les autres entendent la réponse de l'enseignant. حتى قد يكون السائل اعلم من المسؤول. قد يكون السائل il est plus savant que celui qui l'interroge. Mais il fait ça pour que la réponse soit entendue. Ou des fois aussi pour une tihan, pour tester la connaissance de la personne. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كان يفعل كذا كثيرا مع أصحابه يسألهم pour leur enseigner. Et ça, ça reste plus ancré dans l'esprit. Lorsqu'on t'interroge à propos d'une chose, si tu ne sais pas, كما كان يقول الصحابة كان يقولون الله ورسوله أعلم quand tu étais vivant. Aujourd'hui, quand tu ne sais pas, tu dis Allah أعلم. Même كما قال تعالى ولا تكفوا ما ليس لك به علم. Et ne recherche pas sinon tu n'as pas de science. Ne réponds pas si tu ne sais pas. فقال il a interrogé à propos de l'islam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc là, dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'est-ce que l'islam en le décrivant par ses piliers. Car l'islam, ça c'est l'islam khas al-azi jaa bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou illa l'islam a'am min dhalika. Al-islam ou al-azi jaa bihi jami' al-anbiya huwa al-islam lillah bit-tawhid aw bit-ta'a wa lankal lahu bil-la, al-islam lillah bit-tawhid wa lankal lahu bit-ta'a wal-bara'at min ash-shirk wa ahlihi. C'est le fait de se soumettre à Allah, quand même, par le tawhid, tu l'unifies. Que tu te laisses mener par son obéissance. C'est-à-dire, ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, cela est en fonction des ordres ou des interdictions. D'accord. Tu te laisses diriger par ça. C'est ça qui te gère, c'est les ordres d'Allah et c'est les interdictions. Que tu te désavoues du shirk, et non pas seulement du shirk, mais des gens du shirk. Et ça, c'est l'islam sur lequel était tout l'anbiya. Hada ou l'islam al-am, l'islam général. Wa hadha alladhi dhakara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an huwa l'islam al-khass alladhi huwa al-islam alladhi jaa bihi huwa. Avec ses rites à lui, qui n'étaient pas forcément présents, ou de la même façon chez les autres. Bien que des hadiths montrent que al-arkan al-khamsa kanat mawjouda 'inda al-umam as-sabiqa. المهم هذه أركان يا أركان الإسلام، وهذه الأركان إن شاء الله ستأتي في حديث ابن عمر وبعض بعلي إن شاء الله dans le prochain hadith pour ne pas trop allonger le ders. Ce qu'il y a à retenir, c'est que l'islam, déjà en premier lieu, ça regroupe ça englobe des actes obligatoires à faire. En premier lieu, les deux attestations, qui en réalité ne sont plus. Rakn wahid, c'est un seul pilier. Lakin, huma mutalazimatan, l'une implique l'autre. Tu ne peux attester de la ilaha illallah si ce n'est qu'en reconnaissant que Mohammed est son messager. Car tu l'auras su par qui, à la base, cette prononciation de cette shahada? Par lui. D'accord? Par lui. Et que si jamais tu attestes qu'il n'a que Allah qui est digne d'adorer, Allah Azza wa Jal, fi ibaratihi, la amaraka an tuti'a Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a été rendu obligatoire d'obéir à Muhammad et de le croire et de le suivre. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَبِسَيِّ اللَّهِ يَا سُمَيْسَجِي وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ مَنْ سَلَكَ أَبِيَهُ مَسَجِي سَتَ أَبِيَ اللَّهَ. Donc tu ne peux pas. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم, c'est lui qui a été la cause pour que tu connaisses déjà le Coran, il est descendu sur lui. وَكَذَلِكَ بِسُنَّتِهِ فِي التَّفَاصِيلِ الَّتِي لَمْ نَجِدْهَا فِي الْقُرْآنِ. Tous les détails dans les adorations, ibadat que tu trouves dans le Coran, on les connaît comment? Par la Sunna. Sunna tufassil le Coran. La sunnah te fasse le Coran. Donc, sans la sunnah, tu ne pourras pas appliquer le Coran. Contrairement à ce que les Coranions veulent dire, qu'ils disent non, pour que du Coran, pour pas la sunnah, on dit tu es un menteur. J'ai déjà fait un audio par rapport à ça sur eux. L'imam Yuri de Nirjia Elehi. Donc, tu ne peux faire cette attestation et y être fidèle et la remplir correctement, si ce n'est qu'en attestant que Mohammed est le messager d'Allah. Tout comme أن تقول محمد رسول الله cela ne peut tu ne peux en disant cela que reconnaître que la ilaha illallah كذلك là n'a pas savoir. Quelqu'un te dit par exemple moi je dis la ilaha illallah mais je dis pas que Mohammed رسول الله, on dit tu as mécru. Quelqu'un qui dit أشهد أن محمد عبد رسوله, tu dis رسول من, messager de qui, il y a d'Allah, donc tu reconnais le premier. Si tu te dis non, tu dis bah tu as mécru et t'es mutanaqid, contradictoire. Donc l'une ne va pas sans l'autre. D'accord ? L'une ne va pas sans l'autre. Donc ça, c'est le premier pilier, l'attestation. Voilà, tu trouves l'islam, il est bitalafouf bihima. Tu es obligé de prononcer. Quand tu rentres en islam, thumma qal wa tuqim salah, que tu accomplisses la salat. Salat maktouba, al-wajiba. D'accord ? Les cinq que l'on fait par jour. Et ça, كذلك ما ذكرنا سنتكلم عنها في حديث ابن عمر رضي الله عنه إن شاء الله وتؤتي الزكاة كذلك. Ça, c'est le troisième pilier. وتصوم رمضان, le jeûne de Ramadan, ou حج البيت, pour qui est en mesure de l'accomplir. Et là, ces piliers-là sont venus selon l'ordre de leur chronologie. في الإسلام أول ركن ألزمنا به شهرتان. La salat, elle est venue après. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca. Tamam. Thumma ja al-zakah. Wa ba'dhum qalu fiha khilaf. Certains ont dit que la zakah, elle était légiférée à Mecca, mais qu'il n'y avait pas encore le tafsil des quantités. Wa kada. Wa ba'dhum qalu la. Fulidat fi al-Madinah. Thumma Thum Ramadan. Thum Ramadan azun fi sana thaniya min al-Hijra. Deuxième année de l'Hijra. Avant c'était Ashura, il faisait Ashura seulement. Après Ramadan est venu. وَجَا الْحَجْ فِي سَنَا تَاسِعَ 9e année. Que le Hajj il a été quand même mis. Donc là c'est l'ordre des piliers. قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ يُصَدِّقُهُ. Donc là ils ont été surpris car ils disent, ils l'interrogent et après ils l'approuvent. Comment cela? Eux ne savaient pas qui ils avaient devant eux à ce moment-là. Ils ne savaient pas encore qui était le questionnaire. لكن في آخر الحديث يتضح لهم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. Et là on voit que Jibril عليه السلام مما مكنه الله منه أن يتصور بصورة إنسان. Que Jibril avait pris l'apparence d'un homme. Et que d'autres malaïkas, kazalik, prennent l'apparence d'homme. Comme par exemple dans ce hadith de cet homme qui a tué, qui s'est annoté ses neuf sains, hinama jatil, hinama mata, quand il est mort, ou artasamut fi malaïkatul rahma, ou malaïkatul azab, pour savoir qui le prend, est-ce que ce sont les anges de la miséricorde qui le prennent avec eux, c'est le châtiment, il n'était pas d'accord, jia malakun, à la surat Adami, un ange est venu à l'apparence d'un homme pour être juge entre eux. Il avait l'apparence d'un homme. Lienna al-Bashar la yutiq al-Nazar lil-Malaika. Il ne peut les voir, selon leur vraie apparence. Et pourtant, ils sont là. Et ils sont, comme cela va venir, Inch'Allah, très, très, très, très, très nombreux. Donc, Jibril, dans ce hadith, toutes les fois, il s'est présenté auprès des Sahaba. Il était sous l'apparence d'un homme. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma rahu fi suratihi al-haqiqiyah illa marratayn. Il l'a vu deux fois. C'est sa vraie apparence. Wallahu sittumiyat jenah. 600 ailes. Wa yafuk, yasud al-ufuk, qui cache l'horizon. C'est-à-dire que Jibril, il a une apparence qui est impressionnante. Tayyib, thumma ba'da hadha, qal, فأخبرني عن الإيمان. Il a dit, informe-moi de la foi. Donc, قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Informe-moi pour vous de la foi. ومن هنا يتبين لنا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق في المعنى وإذا افترق اجتمع في المعنى. Ma ma'na hadha, que le mot islam et le mot iman, lorsqu'on les joint ensemble, ils ont chacun un sens différent, distinct l'un de l'autre. Et lorsqu'on cite un seul, il englobe le sens de l'autre. Hina ma qila l'islam, wahda, yuradu bihi l'iman ma'a. Ou idha qila l'iman, wahda, yuradu bihi l'islam. Tamam? L'islam, yutlaqa ala l'amal al-zahir, les actes apparents. والإيمان يطلق على العمل الباطنة إذاك أفتحيها لهذا لا يقال مؤمن لمنافق يقال له مسلم pourquoi car en apparent il agit mais en lui il ne croit pas هذا من مراتب الدين comme dans le hadith ça va apparaître en premier lieu l'islam deuxième niveau l'Iman troisième niveau al-ihsan. Donc thumma zakara arkan al-iman. Il a cité quels étaient les piliers de la foi. En premier lieu, qala an tu'mina billahi, que tu crois en Allah. Et croire en Allah, hadha yatadamman an tu'mina bi tawhidihi. Ay ifradullah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Wa asma'i wa sifati. Tu crois en Allah et tu l'unifies dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et attributs. Bi ghayri tahrif wa la ta'til wa la tamthil wa takyif. C'est-à-dire ses noms et attributs, tu les prends comme ils sont venus. Ni tu ne les altères en changeant le sens, ni tu ne cherches à comparer avec la créature, ni tu cherches un comment. Quand même, comme a dit Ta'ala, « Laysa ka mithlihi shay », il y en a qui est comme lui. « Wa samir al-basir ». Et pourtant, il a dit, il est parfaitement audient et clairvoyant. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a bien dit qu'il n'est comme rien. Il n'y a rien qui soit lui semblable. Et dans le même verset, il a affirmé ses attributs qu'il entend et il voit. Quand même, il entend et il voit. Donc, l'iman billah, yatadaman adil ashia. De croire en Allah tel qu'il est. Et tel qu'il s'est décrit dans son livre, et tel que l'a décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car des gens te disent, moi je crois en Dieu. Plein. Et quand tu parles avec lui, tu te rends compte qu'en fait, il croit en quelque chose. Certains attributs sont présents, mais c'est partiel, c'est pas complet. Ça ne suffit pas. Tu vois. On dit, tu as une approche dans ta tête de la divinité à adorer, mais tu ne le connais pas. Car lorsque tu lui dis tel qu'il est, il refuse. Il refuse. Tu parles avec un chrétien, tu lui dis qui est Allah Azzawajal, la mérite ou la mioulad, ta mère ne va pas accepter. Tu lui dis donc, si pour toi Allah il a un enfant, et bien celui en qui tu crois n'est pas Allah tel qu'il est. Que certains disent que le croyant, celui qui croit en Dieu, donc les chrétiens et les juifs sont des croyants, tu vois. Car pour lui, le mécréant, c'est lui qui croit pas. On dit ça, c'est le athée, ça. Ah, mais la mécréant, c'est plus large que ça. Donc, c'est-à-dire, pour toi, Quraysh, c'est des croyants. Fahimt? Une seule taouman, khalaqa sama wa tiwa al-ard, yakulun Allah. Si tu demandais au Quraysh qui a créé les cieux et la terre, ils diront, c'est Allah. Donc, Quraysh, c'était des croyants pour toi. Donc, pourquoi le Nabi Sassan les a combattus? C'est pas ça, croire en Allah. Et ça, c'est min akbar al-jahl, yakun. Tu dis que le croyant, c'est celui qui croit en Dieu seulement. Et celui qui ne croit pas en Dieu, c'est le mécréant, c'est le athée. Tu dis à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'athée chez eux. Les mouchikou n'y croyaient en Allah. Il n'y avait pas. Et même Fir'aun al-La'in azhara inadan adam iman bihi billah fil haqiqa kana yu'min bihi fi batini. L'exemple qu'on donne pour les athées, c'est Fir'aun. Et malgré cela, Allah confirme qu'il les croyait au fond de lui. Donc, dire que le mécréant, celui qui ne croit pas en Dieu, on dit là, ça c'est une forme de mécréance. La mécréance, c'est plusieurs formes de mécréance. Donc ça, c'est ce genre de parole, c'est une parole qui montre que tu ne sais pas c'est quoi l'iman. Tu vois. Mat'arif ma'ouwa l'iman. Donc tu crois en Allah Azza wa Jal, de façon totale et complète. Et tu ne changes pas le texte. Wa kadhali qala wa mala'ikati. Ses anges. C'est-à-dire, mala'ikati. Donc Allah Azza wa Jal a créé les anges. Khulikat al-mala'ika min nur. Les anges sont des créatures créées à partir de lumière. Ce sont de nobles créatures qui ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui ont, pour beaucoup d'entre elles, des fonctions précises. Des fonctions précises que Allah leur a accordées, ou plutôt leur a imposées de faire. Wa ashrafuhum wa Jibril alayhi salam. أشرف الملائكة هو جبريل لأنه هو الذي موكل بنزول بالوحي celui qui descend avec la révélation au Anbiya. D'ailleurs, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré la première fois quand il a reçu la révélation, ثم تكلم عن ما حصل له لي ورقة النوفل qui était nasrani à l'époque, il lui a dit هذا الناموس الذي نزل على موسى. Celui qui est venu te voir, c'est le même qui descend sur Moussa. Jibril, alayhi salam. Donc c'est l'ange de la révélation. Et c'est lui qui a porté le Coran au Nabi, sallallahu alayhi salam. Les malaïka, ils sont très très nombreux. Minhum kazalik Israfil. Wal muwakkal bi al-nafr fi sur. Wal muwakkal bi al-nafr fi sur. Et celui qui est chargé de souffler dans la trompe. Et ce souffle dans la trompe aura lieu deux fois. Une première fois, l'issa'a, wa thaniya, lil khuruj min el kubur, el ba'af. Donc lui s'appelle, quand même, Israfil. Wa kazalik fi malak el mout, l'ange qui est chargé de prendre les âmes des morts. Ma'awanihi, il a des anges qui l'aident dans cette tâche-là. Wa kazalik fi malik, khazin el nar. Malik, celui qui est gardien de Jahannam, de l'enfer. Wa fi mathalan mimman na'lam asma'ahum Nakir wa Munkar. Les deux anges qui descendront, ils sont fi kabr. Wa fi mala'ika kathir. Hatta shakluhum mukhtalifa. Ils sont de différentes apparences. Certains sont gigantesques. Misli hamalat al-arsh. Les huit anges qui portent le arsh. Comme on وصف النبي صلى الله عليه وسلم que de l'aube de l'oreille à l'épaule, distance de 800 ans. Et son 8 à porter le Arsh de Rahman, qui est la plus immense des créatures. Donc ça, c'est une approche pour te montrer la grandeur de la chose, mais tu ne pourras pas la concevoir. Ça dépasse l'entendement, comme on dit. Mais tu sais que c'est immense. كذلك les anges sont dotés d'ailes. Certains en ont deux, 7 en ont 4. Jibril en a 600, comme on l'a dit. Mathalan. Tamam. Il y a Mathalan Kazalik. Al-Muwakkalun Nabi Hizil Amel. Ceux qui écrivent nos actes. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ceux qui écrivent tout ce qu'on fait كذلك ceux qui sont là pour nous protéger même les chrétiens ils y croient ils appellent les anges gardiens il y a les anges de la rahma qui rentrent chez nous il y a les anges tu as Mikaël Nasit Mikaël الذي هو موكل بي نبات tout ce qui est végétation et la pluie tamam هذا Tu as ceux qui sont dans Al-Bayt al-Ma'mour. Yadkhul fihi kul yawm 70 alf. Tamam 70 alfan yatufun aw yusallun fihi aw ya'budun Allah wa idha kharajum yarji'un. 70 000 par jour. Donc et tous les jours. Donc combien sont-ils? Sans compter malak alladhi kama sayati fi hadith Ibn Mas'ud alladhi muwakkal bi an-nafkh fi an-nafkh al-ruh. C'est l'insane, celui qui donne le souffle de vie et qui écrit les quatre choses qui concernent l'être humain. Quand même, Ajlihi, Yaktub, Yani, Yaktub, Min Ajlihi, Wa Rizqihi, Wa Amalihi, Wa Shakin, Wa Sa'id. C'est un ange également qui vient faire cela. Ils sont très, très, très nombreux. Nu'min bihim, Ijmalan, Wa Tafsilan. Ce que Allah Azza wa Jal a nommé précisément et indiqué, on y croit. Tels qu'ils sont venus. وَالَّذِينَ ذُكِرُوا إِجْمَالًا نُؤْمِن بِهِمْ إِجْمَالًا نُؤْمِن بِهِمْ إِجْمَالًا Nous sommes obligés de les aimer, ces malaïka. Et on ne peut que les aimer, les malaïka. On ne peut que les aimer. لِنَّا يَكُلُ اللَّهُ عَزَ وَجَلُ وَمَنْ كَنَ عَدُوًا مَنْ كَنَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرَسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ Que ceux qui sont ennemis à Allah, à ses anges, c'est-à-dire ses messagers, et il a cité précisément Jibra'il ou Mika'il, Allah, Tayyib, est un ennemi des kafirines, des mécréants. ثم ذكر بعد هذا الرسل الكتب أولا نعم الكتب les livres nous croyons à tout le livre que Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur ses messagers إجمالا وتفصيلا معنى أن الكتب التي سميت في القرآن نؤمن بها كالإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم تمام وأفضل هذه الكتب والناسخ لها جميعا هو القرآن donc ces livres là on y croit tous et que Allah عز وجل a indiqué qu'il a fait descendre d'autres livres sans les nommer ni sur qui on y croit également إلا أن هذه الكتب في هذا الزمان حرفت وبدلت تشانجي par la main de l'homme les gens du livre ont changé leur livre même ils ont changé leur livre comme cela est connu et que le Coran est venu nasikh laha muhaiminan hari qu'il est venu il a abrogé tous ses livres précédents c'est-à-dire aujourd'hui العمل يكون بالقرآن لكن في أشياء القرآن توافق الكتب السابقة وفي أشياء الآن يخالفها مما نسيخ أو مما يعني وضعه الإنسان donc ce qu'on voit comme texte du Coran موافق لما هو في الكتب السابقة وما نرى أنه يخالف نتركه ما نعمل به tamam on n'agit pas donc ce livre que les gens du livre actuellement qu'ils appellent la Bible ce livre-là est abrogé et rempli de mensonges فالشاهد من هذا سيكون قوى أو سليب توس توس أو توس سليب أمام سليب أو نقوى توس ثم قال الرسل كذلك كون قوى أو سي ميساجي كون قوى أو سي ميساجي كون الله عز وجل أنوي دي ميساجي كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت donc on voyait dans chaque communauté un messager pour leur dire adorer Allah et éloignez-vous de ta route. Donc Allah Ta'ala Rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi hujjatun 'ala Allah ba'da rusul. Que Allah il a envoyé des messagers en tant qu'avertisseurs et annonciateurs pour qu'il n'y ait point d'argument pour les gens sur Allah après leur passage. Donc Allah confirme qu'il a envoyé des messagers. Tamam. Wa ha'ula ar-rusul Qui sont-ils? Ils sont des hommes. Min bani Adam. Ils ne sont pas des djinns. Les rasouls sont des hommes. Wuhum ahrar. Ils ne sont pas des esclaves. Ce sont des hommes libres. Même bin nasab al ma'ruf, avec une descendance qui est connue auprès des gens. Même uhiya ilayhim, qui ont reçu la révélation. Même wa umiru bitablighihi, qui leur a été ordonné de retransmettre ce message. Wa rusul ursilu ila fil asl aqwamin mukaththibin, un peuple qui dément, au kuffar. Bikhilaf al-Nabi. Al-Nabi, lui, il a à peu près les mêmes caractéristiques, sauf que lui ne revient pas avec une nouvelle législation. Il, comme il y a quoi, il jadid char al-Rasul al-Lazi ursila qablahu, wa yuzakir biman usiya, à un peuple croyant. Il leur rappelle ce qui leur a été dit. Quant au Rasul, lui, il vient avec soit un nouveau message, soit il peut confirmer celui d'avant, lui, comme Yusuf, le cas de Yusuf alayhi salam, il vient avec un livre. Et il envoie, généralement envoyé un peuple qui dément ou un peuple mécréant. Farq bayna an-nabi wa ar-rasul. Wa awwal ar-rasul ursila ila al-ard huwa Nuh alayhi salam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alayhi salam. Et tout rasul est un nabi, et ce n'est pas tout nabi qui est un rasul. Tout rasul est un nabi et pas le contraire. Donc on croit en tous. Ce que Allah azza wa jalla a nommé dans son livre et ceux qui n'ont pas été nommés. On les aime tous. Et celui qui différencie entre eux, comme ce fut le cas des gens du livre, sont les mécréants. Comme a dit Ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Que ceux qui mécroient en Allah et en ses messagers et qui veulent diviser entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains et nous croyons en d'autres, et qui veulent prendre en cela un chemin intermédiaire, quand même, ceux-là sont les mécréants réellement. Et nous allons attribuer aux mécréants un châtiment avilissant. Donc quelqu'un qui te dit Ana oumin bi Moussa, wala bi Isa, wala bi Muhammad, hadha ma hukmuh, kafir. Misl al-Yahoud. Man yakul lak Ana oumin bi Moussa ou Isa, lakin la oumin bi Muhammad, ma hukmuh. Comme les Nasara. Toi, tu crois en tous. Une fois de plus. Qui dit que les mécréants, ceux qui ne croient pas en Dieu seulement. Là, tu lui dis, le croyant que tu prétends, croyant chrétien, il dit je ne crois pas en Mohammed, c'est un croyant. Je ne sais pas ce qu'il répondra à ce moment-là. Je ne sais pas quelle serait sa réponse. S'il dit oui, il dit ben, tu es vraiment son frère à ce moment-là. Si tu lui pour toi, c'est un croyant, il ne croit pas en Mohammed, c'est que tu es comme lui. C'est que tu es comme lui. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ces gens y répondent lorsqu'on leur dit ça. Qui prétendent que les juifs et les chrétiens sont nos frères. وَتَعْتِ بِيَلْزَمَاتْ مِسْحَادِهِ اَشْ جَوَابُهُمْ مَا أَدْرِي. On va voir. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا الْإِمَنْ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Que tu crois au jour dernier. C'est-à-dire tout ce qui se passe après la mort. Tamam. كُلُّ مَا يَحْصُلْ بَعْدَ الْمَوْتِ. Sans qu'on rentre dans les détails, car c'est un long bab qui est enseigné dans des kutub précis. Et il y a ma ta'alaq bi al-ba'th, la résurrection. Ou le wukuf fil mahshar, lorsque les gens sont tous rassemblés. Fi ad al-yum al-azi yakun fi 50 alfa sana, 50 000 ans, les gens sont dans l'attente. Hatta yati al-hisab, qamble hadha al-barzakh nasit al-hayat al-kabr, la vie dans la tombe qu'on appelle barzakh. Barzakh ou al-fasil bina shay'ain, c'est une chose intermédiaire. Bina man yu'adhab wa man yun'am bihasb amalihi fi hadhihi dunya wa kadhalik as-sawl fi al-kabr hadhihi al-ashya kadhalik ba'd hadha al-hisab, entre ceux qui seront qui rendront les comptes et ne seront interrogés et débattus que les perdants, alors que le mu'min, lui, ce sera juste exposé, tu as fait ça, il reconnaîtra quand même. وكذلك الميزان, la balance, oui, un mizan haqiqi, c'est une vraie balance, ma kaffatayn, elle a vraiment deux plateaux, wabihima tuzan al-a'mal, même par laquelle on pèse les œuvres, as-sirat, le pont de l'enfer, quand même, kulladil ashiya, تحصل بعد الموت في الآخرة لابد أن نؤمن بها. هذا من الإيمان باليوم الآخر. On doit y croire. Tamam, on doit y croire. ثم سيكون كذلك الحوض لباس النبي صلى الله عليه وسلم. Tamam. وأدخل في الدار أو الجنة وأعلى ما يكون في هذه كله رؤية الله عز وجل. Le fait de voir Allah سبحانه وتعالى. Pour les croyants. ثم ذكر آخر ركن من أركان الإيمان الستة المذكورة في هذا الحديث الإيمان بقدر خيره وشره que tu crois au destin qu'il soit beau ou mauvais, c'est-à-dire que tu crois que Allah Azza wa Jal connaît les choses avant qu'elles n'arrivent et qu'il les a voulu بمشيئته وهذه المشيئة هي الإرادة الكونية ويكون كذلك إرادة شرعية والقدر هو سر الله سيرسكر الله سبحانه وتعالى اسم من لكل بوكو بوكو دي جون سون غاري لكن سنتكلم عنه في حديث ابن مسعود ان شاء الله كي قال دي قدر بريسيزيما. شيء اخر نسيت نذكره في الاول quand on a parlé de l'iman important que j'ai oublié c'est ما هو الايمان اولا on a dit que l'iman c'est l'amal الباطنه لكن قبل هذا ما هو الايمان الإيمان لغة هو التصديق والإقرار. C'est le fait de croire quelque chose. D'accord? Tu crois et tu l'admets. Tu l'admets. Ce n'est pas seulement croire, car certains disent que c'est le tasdiq seulement, le fait de croire. Mais ça ne suffit pas. لأن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق تمام ابن أخيه لكن ما أقره. Il le croyait. Il ne l'a jamais démenti. Est-ce que pour autant cela fait lui un croyant ? Là. Il n'a pas mis l'Iman. Il n'a pas admis. Donc, l'Iman, l'oratène, c'est le tasdiq ou l'ikra. Il faut que tu crois et que tu acceptes. Ou à filistilah, ou à qu'ol billisan, والاعتقاد بالقلب وعمل بجوارح ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة تمام كل إيمان يموت أو بيتو سي لي بارول كرويونس اي اكت دي ممبر سي اوبليغاتوار تمام اي كو سيت فوا موت avec l'obéissance et elle descend elle reste pas au même stade. Plus tu fais des bonnes actions, plus elle monte. Plus tu fais des mauvaises, plus elle descend. Quand même, voilà le dalil à la hadalik, an al-iman hadi arkan thalatha, wa hadith abu hurayra, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-iman bid'un aw sab'un shu'bah. A'laha, qawl la ilaha illallah. Donc il a dit que l'iman, c'est 70 000 branches. La plus haute, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Donc ça, c'est qawl. Et bien évidemment, ce col est un domaine l'imène B. Ce n'est pas seulement que tu le dis, c'est tu y crois également. Le plus bas, c'est le fait d'ôter les obstacles du passage. Donc ça, c'est quoi? Les actes. Et la pudeur fait partie de la foi. Et puis, c'est une marque-là qui est très longue également à citer. Dans laquelle des gens se font égarer énormément également. وهكذا. Donc l'iman ou هذا. فالإيمان لابد من عمل فيه. Obligé d'avoir des actes des membres. Obligé d'avoir une prononciation de la langue, des paroles, et obligé d'avoir une croyance dans le cœur. ثم ذكر أن قال يا محمد أو قال ما هو الإحسان كيسك الإحسان ce qu'on appelle excellence ou également la bienfaisance فقال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais et que si jamais tu ne le vois pas sache que lui te voit فالإحسان من هنا يعلم أنه ركن واحد c'est un seul pilier, celui qui est cité dans le hadith. Wad al-ihsan yakun ala darajat. L'ihsan de différentes sortes. Al-ihsan ma yakun bin al-ibad ma baynahum. L'ihsan entre les serviteurs entre eux. Wa huwa yurid al-ihsan bin al-abd wa rabbih. Lui, ce qu'il veut là maintenant comme ihsan, c'est l'ihsan qui est entre le serviteur et son seigneur. Et ce qu'il a décrit, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Chose qui n'est pas possible de le voir en cette dunya. Donc de là, il te dit, si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. D'accord ? Hada yusama bil muraqaba. Muraqaba, le fait de se sentir, en fait, on va dire, sous surveillance. Et celui qui a atteint ce stade-là, min al-ihsan, satarahu atqa ma yakun. Atqa ma yakun. Car il sait que Allah le voit. À titre d'exemple, lorsque des gens travaillent dans une société, par exemple, et qu'on leur dit, ton travail, c'est de faire telle et telle chose, et ta paye sera telle et telle somme. À condition que tu fasses bien ton travail. C'est-à-dire, tu viens à l'heure, tu viens bien correctement, tu fais kaza, tu fais kaza. Et l'employé, quand il vient au travail, comme tu le sais, il pointe avec sa carte. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Il pointe, c'est-à-dire, on sait à quelle heure il arrive exactement. C'est enregistré. Dans son travail, il y a des caméras de surveillance qui montrent. Il a des collègues qui le voient. Des fois, son patron, il est là. Il sait qu'on le voit. Si jamais il ferait une pause alors que ce n'est pas sa pause, il serait réprimandé. S'il est absent au jour de travail, si ce n'est pas une excuse valable, il n'est pas payé. Tout ça. Si jamais il veut faire un coup en douce, les caméras sont surveillées. Donc il travaille bien. Parce qu'il sait qu'il est surveillé. Alors que la plupart des gens, s'ils savent qu'il y a un moment d'inattention, ils vont faire un truc mauvais. Ça, c'est à l'échelle humaine par rapport à nous. Donc qu'en est-il du serviteur et son seigneur qui sait qu'il le voit dans ce qu'il fait? C'est pour ça que c'est un stade, un niveau, ça s'appelle l'excellence en français, qui vient de l'Irsen. Ce n'est pas tout le monde qui atteint ce stade-là. فَمِنْ هُنَا يُعْلَمَنَا كُلَّ مُحْسِنْ مُؤْمِنْ وَمُسْلِمْ وَلَيْسَ كُلُّ مُؤْمِنْ مُحْسِنًا لَكِنْ كُلُّ مُؤْمِنْ مُسْلِمْ تمام؟ أما المسلم قد يكون مسلما فقط. D'accord ? Tu n'es pas obligé de regrouper les trois. Le mursin est forcément mu'min et muslim. C'est obligé. Le mu'min, il est forcément muslim, mais pas forcément mursin. Il est forcément muslim, mais pas forcément mursin. Et le muslim, bah, il est ni l'un ni l'autre. Celui qui n'a qu'un seul stade. Et le troisième, il regroupe le tout. Donc ça, c'est le niveau le plus haut. Et c'est pour ça que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a cité en troisième. Tu vois, c'est la fin de la chose. Et ça, cette ihsan, cette excellence, c'est parmi les choses qui sont un argument contre les gens qui souvent commettent des péchés et des erreurs. Et lorsque tu les conseilles, ils te disent, ouais, mais regarde, l'autre, il fait pire que moi, et un tel, moi, j'ai fait que ça, c'est pas grand chose, l'autre, regarde ce qu'il fait. On dit, anta abudallah kanaka tarahu, fanlam takun tarahu, fanu yarak. Est-ce que tu sens que Allah, il te regarde dans ce que tu fais? Si tu ressens que Allah, il te regarde dans ce que tu fais, Allah ne regarde pas les autres. Adam et Anfa. C'est-à-dire que tu n'es pas mursin. Celui qui parle comme ça n'est pas mursin. Lui, il regarde comment les gens agissent. On te dit non, regarde comment Allah, il te voit. Ressens que Allah, il te voit dans ce que tu fais. Et là, tu verras que ton argumentation, elle n'est pas valable. Amen. La siyaman nafi kobrik, anta wahdak. Wafi su'el, anta wahdak. Dans ta tombe, tu seras seul, interrogé. Et lorsque Allah Azzawajal va te demander des comptes, tu seras seul également. Ils ne seront pas là les gens pour toi. Amen. Et où est-ce qu'Allah Azzawajal fait qu'on l'illumine et ibadi la shakur, que peu de mes serviteurs sont reconnaissants. C'est-à-dire que les gens, la plupart des gens, ils font du mal. Donc on ne regarde pas ce que les gens ils font. On regarde ce que tu fais toi. Amen. On regarde ce que tu fais toi. Wa kama yuqal, la tanzur illa sigar amalik, lakin unzur il uzmat man tu'asi. Ou man ta'asi. Ne regarde pas la, on va dire, la petitesse, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, de ton acte, mais regarde la grandeur à qui tu désobéis. Donc, c'est ça. La tanzur ila kasat al-mukhalifin, lakin nzur ila qillat al-najihin, ou al-najin. Ou al-najihin, kazalik yuqal al-isnain. Ne regarde pas le grand nombre de ceux qui sont égarés, mais regarde le peu de ceux qui ont réussi. Car la plupart des gens de l'enfer, bah, la plupart des gens sont les gens de l'enfer, de façon générale. La plupart des gens, c'est-à-dire les gens du Jannah, sont une minorité. Donc en regardant les gens, ce qu'ils font, tu tombes dans une erreur qui va t'amener à quoi? À minimiser tes actes. Et tu ne feras pas preuve d'ihsan. Ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ça ressemble un peu aux gens, si tu leur dis, taqillah, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Tu dis, crains Allah. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, même si tu n'as rien fait, je dis, crains Allah. C'est un rappel. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Mouaz ibn Jabal, il dit, taqillah, kunt. Crains Allah où que tu sois. C'est-à-dire, en toute situation, que les gens soient autour de toi ou pas, il dit, taqillah, haïsouma kunt. Donc, même si tu n'as rien fait de particulier, normalement, tu n'as pas à réagir. Mais tu leur dis, taqillah, il dit, j'ai fait quoi? Et justement, tu n'as rien fait. Alors que tu devais faire. Tu vois? وهذا يخشى عليه من كل عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم déjà lorsque tu leur dis crains Allah ils sont pris par on va dire la fierté ils ne veulent pas accepter on dit اتق الله c'est le plus grand appel qu'on puisse te faire قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله il a dit à son prophète crains Allah le Nabi sallam il craint pas Allah il a dit أن أتقاكم لله et pourtant il lui a dit crains Allah est-ce qu'il a dit il a réagi comme ça sûrement pas au contraire c'est le rajout de la foi aux gens qui ont de l'irsen. Moi, aujourd'hui, on est une époque où on est tellement faible, où quelqu'un te dit, Allah édique, qu'Allah te guide. Il dit, j'ai fait quoi? Tu dis, sois content. Si mon doigt est exaucé, tu peux avoir le Jannah. Tu vois? Moi, aujourd'hui, je sais pas, parce qu'on pense qu'on arrive à un stade où on n'a pas de rappel à recevoir, pas de nasir à recevoir. Et on dit, même, t'as rien fait, c'est un rappel. C'est un doigt pour toi. Tu vois? C'est un doigt pour toi. Non. أظن سنقفون إن شاء الله اليوم. يرسم تبارتي ونقرأ الprochain حديث إن شاء الله. الحديث اللي لونه. على بعض من الشرح للشيخ فوزان يا 70 باج. الحديث. الكتاب للشرح للشيخ عثيمين. يحوم بس كل ما تجد الكتاب. بس الحديث لا. يعني نص كنا فعله. سلون سي rien. on a quasiment rien dit par rapport à ce que ce hadith mérite. فنكتفي بهذا القدر اليوم. وسبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.